Concernant les BS, là. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle sur les centres de thérapie là, pour toxicomanie. Là, ils vont serrer à vis un peu au BS parce qu'il y en a là qui ils sont là-dedans tout le temps. Là. Oui. Ils sont tout le temps. Logé nourri. Logé nourri. Il y a de l'abus, OK? Fait qu'ils serrent la vis un peu. Mais là, ils vont pas serrer à vis tant que ça. Ils peuvent y aller encore. Là. Puis ils vont, même s'ils sont logés nourris, ils ont une partie de leur chèque encore. Ils vont exiger un effort d'abstinence au moins. C'est parce que là, ils conservaient le chèque des fois au complet. Mettons, le BS gagne 1 000$ par mois. Il s'en va dans le centre de thérapie où il est logé nourri. Puis on lui donne son 1 000$ pareil. On a comme pas de bon sens. Il y en a qui sont allés 15-20 fois. Ça a l'air. Bon. Bref, ils ont serré à vis un peu. Ils ont dit, là, si vous êtes en centre de thérapie, logé nourri, vous comprenez que votre chèque va être amputé. Mais là, à cause de ça, les organismes qui sont dans les centres de thérapie disent, ben là, vous allez nous enlever une clientèle, ils n'auront plus d'argent pour y aller, puis tout. Bon, qui a raison? Est-ce que vraiment l'accès aux centres de thérapie va être moindre pour les BS? C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que les gens qui défendent les centres de thérapie ont sorti des chiffres. Ils ont dit, là, si on n'a plus de BS, écoutez, on n'aura plus de clientèle. Ah ouais? Vous avez tant que ça, des BS toxicomanes? Ben oui! Ça peut représenter combien? Ah, il dit, si on n'a plus de BS, il dit, sur les 75 centres de thérapie pour toxicomanes actuellement en opération au Québec, il y en a 75, ça a l'air qu'il y en a 40 qui vont fermer, si on peut les BS. Mais voyons. Il y en a donc ben des BS qui se saoulent puis qui se droguent, mais semble que devrait pas avoir les moyens. Avez-vous vu l'occasion idéale pour qu'un ministre lève la main? Ils feront pas. Imagine la petite réforme qu'il a faite. Il leur a enlevé leur maison de 500 000, puis ça crie, puis ça hurle. Ils peuvent plus partir 2 mois dans le sud. Il leur a enlevé ça, puis les maisons de 500 000, c'est fini. Hey, ça hurle, ça crie. Il fera pas ce que moi je ferais, là. Je dirais, bon, je viens de découvrir que la majorité des centres de toxicomanes au Québec sont occupés par des gens sur l'assistance sociale. 40 sur 75 qui ferment s'il y a plus de BS. Ça veut dire qu'ils sont comme une clientèle très majoritaire et importante. Donc, à partir de maintenant, on évoque des coupons. On donne plus d'argent. Il y en a plein de trop qui se saoulent avec ça puis qui en abusent. Anyway, ceux qui achetaient déjà de la bouffe avec leur chèque de BS, ça change rien. Donne plus de cash. Ça se fait dans certains États américains. Le logement, il exige le logement. Ouais. Alors, à New York, en tout cas, dans ce coin-là. Alors, le chèque va être une allocation qui sera versée directement au propriétaire de votre logement et vous aurez ensuite une série de coupons échangeables dans tous les IGA, Loblaws et Metro et un certain montant en cash aussi. Là. Tu peux pas y aller uniquement avec des coupons, je suis pas fou, là. Mais tu sais, mettons que tu pars d'une moyenne de 1 000, je sais qu'une personne seule, c'est 700 ou 600, là, mais il y en a qui ont des enfants en couple. Mettons 1 000, puis si c'est un peu en bas de ça, là, c'est juste pour l'exemple. Alors, sur 1 000, je considère que la moitié va au logement. Alors, il y a la moitié qui va être versée sous forme d'allocation au propriétaire. Ensuite de ça, peut-être un autre 20-25% pour la bouffe. Pour ce qui est des vêtements et autres accessoires, ben là, ce sera à votre guise, via un montant, un forfaitaire. Bon, alors voilà. Ce que j'ai déjà lu au States, c'est qu'il y avait un système qui empêchait celui qui était sur la sécurité du revenu de faire des achats alcool et tabac. Ah ouais? Oui. Ils ne peuvent pas acheter d'alcool et de tabac avec le chèque qu'ils ont. Il doit être destiné dans l'épicerie. Tu comprends? Sans alcool et sans tabac. Comment ils font ça, pratico-pratique? Une gestion, ouais, je peux pas te le dire. Il est indiqué et il ne peut être changé. Exact, c'est ça, exact. C'est écrit? Voilà. C'est un genre de chèque, ça a l'insigne du gouvernement. Exact. C'est écrit 200$. Non, pas de tabac, pas d'alcool. Ou 300. Ça, t'échanges ça, dépendamment, là, famille, enfant, tout, contre n'importe quel bien. Mais la fille à la caisse, quand elle voit ça, c'est il y a pas de tabac, il y a pas d'alcool. Exact. Si tu veux payer ça, ça va être avec le cash qu'on te donne. Le cash. Mais tu n'auras pas beaucoup, là. Là, faut que tu fasses tes choix. J'ai peur qu'il y ait des enfants qui mangent plus. C'est parce qu'ils ont un coupon loyer et un coupon épicerie. Tu comprends? Denrée. T'as peu. André en a un bon point aussi, là. C'est plate, ça, ce que je dis, là. Mais j'ai peur qu'il y ait des enfants qui mangent plus. Ouais. Ils vont vendre le coupon. Ils vont avoir du trafic de coupons. Donne-moi de temps pour le coupon. Donne-moi du cash. Tu sais, quelqu'un qui est pogné dans la drogue, dans l'alcool, ça peut aller loin, là. Mettons. Enfant ou pas. Je sais pas. Ça marche. On peut-tu parler? Ça vient ingérable. On peut-tu checker ça? Y a-tu quelqu'un qui pourrait se pencher, appeler dans les États américains qui le font? Ça a-tu marché ou ça a fait plus de mal que de bien? Est-ce que le taux de criminalité a augmenté? Oui. Y a-tu plein d'hold-up dans les liquor stores parce que les gens se sont mis à voler de la... Je sais. Non, c'est pas des mauvaises questions, mais faut regarder ça. Mais il faut se les poser, les maudites questions. Ouais. Moi, d'apprendre que plus de la moitié des centres de thérapie pour toxicomanes vont fermer si on n'a plus de clientèle de BS, Ça veut dire que c'est moi qui paye le brosse. Je paye tout ça, là. Je généralise pas. Il y en a 300-400 000 des BS. Ils sont pas tous dans les centres de thérapie, là. Mais quand même, s'il y en a 5 000, 8 000, 9 000, qu'est-ce que c'est ça? Ceux qui ne fermeront pas seront ceux qui se paient de par le biais des assurances. Ouais. Fournis par les employeurs. Ouais. Donc ça, c'est des grosses. Mais tu te rappelles, il y a été un temps, je sais pas s'il y a 10 ans, où on avait exigé que le gars qui est sur la sécurité du revenu aille chercher son chèque pour donner acte de présence. Ah, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Non, ils n'ont pas voulu. Même ça portait préjudice à quelqu'un qui pouvait pas y aller, ça finissait plus. Même non. Ça. Imagine, ouais. Andréane, exiger que les enfants coupons, en profitent. Non, mais je comprends. C'est... Les coupons, oubliez ça. 670-9330. S'il y en a qui savent un peu comment ça marche ailleurs, quel système. Tu sais, il faut se remettre en question un peu quand tu vois des chiffres mais comme oui. Ça. La solution miracle, elle n'existe pas. Mais c'est totalement anormal que ces gens-là partent sans brosse avec un chèque de BS. D'ailleurs, le premier du mois, il devrait pas y avoir plus de monde dans les dépanneurs. Là. Pat nous dit, c'est comme ça en Colombie-Britannique. Le propriétaire est payé directement et bon d'épicerie et un peu de cash, semble-t-il. La Colombie-Britannique est un État assez à gauche. Contrairement à l'Ontario, l'Alberta ou tout, Saskatchewan. La Colombie-Britannique, c'est je ne sais pas si c'est un NPD qui est là actuellement, mais il y a eu beaucoup d'NPD à la tête du gouvernement. Colombie-Britannique, ça marche par allocation directe aux propriétaires du logement. Dit, voilà, ouais. Puis des coupons. Ça doit marcher. Alain veut nous jaser. Le téléphone s'est mis à sonner 670-9330.